Exploration of my soul. Exploration of your soul. Serendipity, trouvé par hasard. Là, comme un chien perdu, une mélodie. Putain, une mélodie, Nelson. Nelson. Je ne sais plus. À quel saint se vouer. Perdu dans la sérénité. La puissance de power, de power, de power, de power. To the people, the power, to the people. En retenue. I'm just a wannabe. I'm just wannabe. Just a wannabe. I just a wannabe. I'm just a wanna, I'm just a wanna bet. A human. Are you ready? Understand me, yeah, I tell you, I just wanna be, a, just wanna be a human, ah. Yeah. just a wonder. No, I'm just a wonder. Just a wonder. Yeah, man. After all, so tired of player. Give my Halloween leave it over your mind. I've been une seule voix effrayante, déterminisme absolu. Détruisant tous tes rêves, l'avenir est aboli. Désormais, désaccordé, désenfinando. Plus ou moins déformé, travaillé par le réseau.